Il y avait une grande querelle dans Babylone qui durait depuis 1500 années et qui partageait l'empire en deux sectes opiniâtres. L'une prétendait qu'il ne fallait jamais entrer dans le temple de Mithra que du pied gauche. L'autre avait cette coutume en abomination et n'entrait jamais que du pied droit. On attendait le jour de la fête solennelle du feu sacré pour savoir quelle secte serait favorisée par Zadig. L'univers avait les yeux sur ses deux pieds, et toute la ville était en agitation et en suspens. Zadig entra dans le temple en sautant à pieds joints, et il prouva ensuite, par un discours éloquent, que le Dieu du ciel et de la terre, qui n'a exception de personne, ne fait pas plus de cas de la jambe gauche que de la jambe droite. Quelqu'un prétendit que dans son discours, il n'avait pas assez de figure, qu'il n'avait pas assez fait danser les montagnes et les collines. Il est sec et sans génie, disait-il. On ne voit chez lui ni la mer s'enfuir, ni les étoiles tomber, ni le soleil se fondre comme de la cire. Il n'a point le bon style oriental. Zadig se contentait d'avoir le style de la raison. Tout le monde fut pour lui, non pas parce qu'il était dans le bon chemin, non pas parce qu'il était raisonnable, non pas parce qu'il était aimable, mais parce qu'il était le premier vizir.